c'est Oli, en concert. O-L-I. Avec des vrais musiciens. Oli. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Bonjour, je suis Nicolas Mathieu. Je vais vous raconter l'histoire de Kléber ou le secret des parents. Il existe un secret qu'aucun enfant n'a jamais entendu. C'est le secret le plus secret, le mieux gardé, le pire de tous. Pourtant, il suffirait d'être attentif pour découvrir le poteau rose. Par exemple, n'avez-vous jamais remarqué les regards complices que s'échangent les parents lorsqu'ils se croisent le matin devant la porte de l'école? Ne vous est-il jamais arrivé que les adultes s'arrêtent de parler d'un seul coup quand vous entrez dans une pièce, comme s'ils avaient peur d'être découverts? Ces bouches ouvertes, ces grands yeux ronds qui vous fixent, ne vous ont-ils jamais semblé bizarre? Si les choses se passent ainsi, c'est que les adultes détestent les enfants. Oui, tous les adultes. Ils les détestent. Tous les enfants. Et ce, pour une bonne raison. Ils n'ont plus le moindre souvenir d'avoir été des enfants eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas ce besoin qu'ont les enfants de courir dans tous les sens en braillant, de poser sans cesse des questions, de jeter leurs habits dans tous les coins, de demander des histoires. Alors que c'est le début du film à la télé, de vouloir des cadeaux et des câlins, alors qu'il serait si simple de se trouver un emploi et de faire des achats sur Internet comme font les personnes civilisées. Et si les grandes personnes n'abandonnent pas leurs enfants sur le bord de la route comme de vulgaires canettes vides, c'est que des lois très strictes les en empêchent. Il existe même un ministère spécial. Oh, le ministre qui en a la charge n'aime pas plus les enfants que quiconque. Mais il les protège malgré tout, car il sait qu'il n'y a qu'un seul moyen pour en venir à bout, les envoyer à l'école. Les envoyer à l'école et les y laisser, jusqu'à ce qu'ils deviennent développeurs web, présidente directrice générale, agent de catégorie B ou gardienne de zoo. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes, en somme. Ce secret qu'aucun enfant n'a jamais entendu, Kléber, lui, l'avait découvert tout seul. Personne à part lui n'en avait connaissance. Il n'était pourtant pas plus malin qu'un autre, pas plus fort, ni plus grand. Avec ses petits yeux cernés, ses cheveux raides et doux, ses bras comme des bouts de bois et ses genoux toujours écorchés, il ressemblait à n'importe quel petit garçon de 6 ans 3/4. Sauf que Kléber avait un truc. Il était très, très, très attentif. Il savait regarder les choses. Grâce à ce pouvoir, il avait très tôt remarqué qu'il existe une énorme différence entre ce que racontent les adultes et la réalité. Par exemple, sa mère disait « Finis tes légumes, il reste 3 fois rien ». Et Kléber voyait bien, son assiette était encore à moitié pleine de haricots verts. Son père lui commandait « Range donc ta chambre, tu en as pour 2 minutes ». Alors qu'en réalité, il faudrait des jours et des jours pour venir à bout de ce chantier. C'est comme ça qu'il avait deviné ce qui se cachait derrière leurs bisous et leurs « je t'aime ». Les adultes détestaient les enfants. Évidemment. Toutefois, il restait une grande personne dont il ne savait pas quoi penser. Sa mamie Tartine. On lui avait attribué ce sobriquet parce qu'à chaque fois qu'un problème se présentait à elle, elle répondait toujours par cette même phrase « On ne va pas en faire toute une tartine ». Elle était toujours gaie, rigolote et toujours partante pour jouer à la bataille navale. Mais ce que le petit garçon préférait chez elle, c'était encore sa tarte aux mirabelles. Elle était si chaude, croquante et sucrée, moelleuse et juteuse. Un adulte qui faisait de si bonnes tartes ne pouvait pas totalement détester les enfants. Alors un jour qu'il passait justement des vacances chez Mamie Tartine, Kléber osa poser cette question. Mamie, pourquoi les adultes détestent-ils les enfants ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? S'étonna la vieille dame. Ils disent qu'ils nous aiment, mais ils passent leur temps à nous disputer et à tout faire pour que nous arrêtions d'être des enfants. La vieille dame sourit avant de répondre. « C'est vrai, tu as raison. En partie, du moins. »« Mais pourquoi ?» demanda Kléber. « Parce qu'ils ont oublié. Ils ne se souviennent plus des enfants qu'ils étaient. » Sur le coup, Kléber ne fut pas sûr d'avoir très bien compris. Mais l'idée fit son chemin, et ce soir-là, dans son lit, le petit garçon se fit une promesse. Lui n'oublierait pas. Ainsi, il ne deviendrait jamais l'un de ces adultes qui détestent les enfants. Dès le lendemain, il chercha le moyen de tenir parole. Pour se souvenir, il fit un nœud à son mouchoir, mais son mouchoir était en papier et une fois jeté, il ne resta plus de nœud. Il voulut répéter 10 000 fois « Je suis un enfant, je suis un enfant, je suis un enfant !» Les yeux fermés, comme pour apprendre une leçon. Mais Kléber ne savait pas compter jusqu'à 10 000, et il faisait trop beau dehors pour garder les yeux fermés si longtemps. Il se fit un pense-bête sur la main, au feutre rouge, mais après son bain, il n'en resta plus la moindre trace. Les vacances s'achevèrent sans que Kléber ait trouvé une solution à son problème. Il ne renonça pas pour autant. Chez lui, il se mit à dessiner des petits signes un peu partout, derrière les meubles, sous les tables, dans les moindres recoins et jusque dans les cols de chemise de son père. Ainsi, une fois devenu grand, il espérait que ses aides-mémoires lui rappelleraient qu'il avait été un enfant. De même, pour bien se rappeler, il décida de mieux écouter les leçons de français à l'école, car il s'était rendu compte que l'écriture était bien pratique pour garder des souvenirs. Il demanda d'ailleurs à sa maman de lui acheter un carnet à spirale, et celle-ci, qui ne se doutait de rien, obtempéra volontiers. Les adultes étaient très étranges quand même. Certes, ils vous détestaient, mais ils passaient aussi pas mal de temps à vous faire plaisir. Ils vous donnaient du chocolat, vous offraient des jouets, vous payez des tours de manège. Sans parler de l'histoire du soir, juste avant de dormir. Rien à dire, il savait y faire. En tout cas, une fois son carnet en main, Kléber alla s'asseoir à son bureau, prit gravement son stylo noir et entreprit d'écrire une première phrase. Après quelques instants de réflexion, il nota je me souviendrai toujours. Mais le carnet fut perdu. Les parents découvrirent les petits signes que Kléber avait dessinés un peu partout et l'affaire globalement tourna fort mal pour lui. Découragé, le petit garçon décida une nouvelle fois de consulter sa grand-mère. « Mamie, comment faire pour ne pas oublier quand je serai grand que j'étais un enfant ?» Et cette phrase était si sincère, si lourde dans son cœur, que les yeux de Kléber s'embuèrent aussitôt. Sa grand-mère répondit avec calme. « C'est simple. Il suffit de te concentrer. » « Me concentrer ?»« Oui, comme ça. Ferme bien les yeux et répète après moi. N'oublie jamais, jamais, jamais. » Kléber ferma les yeux, les poings aussi, et se concentra de toutes ses forces. Oui, il fallait qu'il n'oublie jamais, jamais, jamais. Mais bientôt, quelque chose contraria cet effort de concentration surhumain. Ses narines palpitèrent, sa bouche s'emplit subitement de salive, et il reconnut la bonne odeur chaude, fruitée et caramélisée de la tarte aux mirabelles de grand-mère. Il ouvrit les yeux. Elle était là, sur la table de la cuisine, tout droit sortie du four, jaune et brillante, belle comme une saison. « Tu as faim ?» lui demanda la vieille dame, qui, déjà, découpait de larges parts juteuses et brûlantes. Évidemment, Kléber avait toujours faim. Une fois encore, le séjour chez Mamie Tartine prit fin. Puis l'année scolaire passa. Kléber inventait toujours de nouveaux moyens de travailler sa mémoire. Pour s'entraîner, il apprenait des poèmes, retenait les drapeaux du monde entier, les noms des arbres, le nom des dinosaures et des Pokémon, qui sont très nombreux, soit dit en passant. Pendant des années et des années, il remplit ainsi sa tête de milliers de choses. Des mots d'anglais et d'allemand, des noms d'amis, des noms de villes, le code de la route, des dates de bataille. Et peu à peu, tandis que sa mémoire gonflait, il oublia qu'il avait été un enfant. Beaucoup de temps passa encore, et Kléber devint assez vieux pour regarder les informations à la télé sans s'ennuyer. Il apprit un métier et tomba amoureux. À son tour, il fit des enfants, un garçon et une fille, qu'il détestait bien sûr. Surtout au début, quand il le réveillait au milieu de la nuit, faisait cacamou dans leur couche et jetait leur purée sur les murs. Mais qu'il aimait aussi plus que tout, parce que les enfants vous font dans le cœur les choses qu'on n'imagine pas. Grandissant, les enfants font encore plein d'autres choses inimaginables, comme dessiner sur les murs et casser les fenêtres du voisin, ou cuire des tartes. Et un beau jour, Dino, le fils de Kléber, confectionna sa première tarte aux mirabelles. Il venait d'avoir 6 ans 3/4 et il y avait passé toute la matinée, sans se faire aider ou presque. Quand il la sortit du four, une odeur formidable se répandit dans la cuisine. C'était une odeur sans pareille, chaude, de fruits, de sucre, qui vous remplissait la bouche et vous creusait l'estomac. Une odeur qui avait surtout un pouvoir incroyable. Ainsi, alors que Kléber se trouvait bien là, avec toute sa famille, il fut transporté. Grâce à l'odeur de la tarte aux mirabelles, il se retrouva très loin là-bas, dans la petite cuisine de sa grand-mère, avec la nappe en plastique, les assiettes blanches et bleues, et cette présence près de lui. Mamie. Kléber n'avait rien oublié. Ses souvenirs s'étaient simplement cachés dans le repli d'une odeur. D'autres se trouvaient encore enfouis dans la lumière du matin, passant à travers des volets clos, dans le bruit d'un pédalier de vélo, dans les cris des enfants qu'on entend en passant à côté d'une école. Kléber comprit qu'on n'oublie jamais son enfance. Et c'était peut-être ça, le vrai secret. Le secret le mieux gardé, le pire de tous. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre. Au lit, en concert. Avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Justine, Lilian, Hugues, Renaud et Nicolas. Musique originale, Thomas Enco. Musicien metteur en onde, Étienne Pipard. Directeur du son, Pierre Monteil. Sur une idée de Cécile Kaufmann-Nègre. Producteur délégué, Léonard Bio. Réalisation, Lola Costantini. Retrouve la collection Oli dans de beaux albums illustrés disponibles en librairie. Avec les histoires d'Agnès Martin-Lugan, Mazarine Pinjot, Adeline Dieudonné, Olivier Norek, François Morel et bien d'autres.